Yuma, chapitre 3. Le matin, Yuma conduisait généralement Mayotte à la rivière. Elle l'y baignait dans une crique claire et peu profonde, dissimulée par des bambous et peuplée d'innombrables et bizarres petits poissons. Parfois, vers le soir, une heure avant le coucher du soleil, elle l'amenait à la plage, goûtait la brise de mer et admirait l'écume des brisants. Mais durant les heures chaudes de la journée, l'enfant n'avait la permission de regarder le monde merveilleux de la plantation que des vérandas entourant la maison. Et ces heures lui paraissaient longues. La moisson de la canne à sucre dans les champs voisins, au rythme du tambour, l'allée est venue des chariots qui grinçaient sous leurs fardeaux de tiges coupées, l'aiguisage des coutelas sur la meule, l'odeur sucrée du vesou, les grondements des machines, l'écume bruyante du petit ruisseau qui faisait tourner la rue du moulin, tous les aspects, toutes les odeurs et tous les bruits de la vie de la plantation lui faisaient souhaiter follement de s'y mêler. Et ce qui la tourmentait le plus, c'était le spectacle des petits enfants d'esclaves s'amusant sur l'herbe autour des maisons, à des jeux fort drôles auxquels elle eût voulu prendre part. « Je voudrais être une petite négresse, » dit-elle un jour qu'elle se tenait sous le porche et regardait les enfants jouer. « Oh !» s'écria Yuma étonnée. « Et pourquoi cela ?»« Parce que alors tu me laisserais courir et me rouler au soleil. » « Mais le soleil ne fait pas de mal aux petits nègres et aux petites négresses, et le soleil te rendrait très malade, doudou. »« C'est pourquoi j'aimerais être une petite négresse. »« C'est pas bien de désirer cela, » déclara Yuma sévèrement. « Pourquoi ?»« Si, vouloir ressembler à laide petite négresse. »« Pourtant, toi, tu es une négresse, Da, ou presque. Tu n'es pas laide du tout. Tu es belle, Da. » « Tu as l'air d'être tout en chocolat. Mais n'est-ce pas beaucoup plus joli de ressembler à de la crème ? Non, j'aime mieux le chocolat que la crème. Raconte-moi une histoire, Da. » C'était la seule façon de la faire tenir tranquille. Mayotte avait maintenant 4 ans et elle s'était éprise d'une passion extraordinaire pour les histoires. L'histoire de Montala ou de l'oranger sorcier qui poussait jusqu'au ciel. L'histoire de Manzelingouin, ou la jeune fille orgueilleuse qui épousa un fantôme. Celle de l'oiseau zombie, dont les plumes avaient la couleur des jours passés, qui chantait dans les estomacs de ceux qui le mangeaient et renaissait ensuite. L'histoire de la belle qui avait la Vierge pour marraine. L'histoire de Pied Chic A, qui apprit à jouer du violon à la façon du diable. L'histoire de Colibri, l'oiseau bourdonneur. Colibri possédait le seul tambour qu'il y eut au monde, et il refusa de le prêter lorsque le bondier le lui demanda pour faire une route, bien que les nègres eussent déclaré qu'il leur était impossible de travailler sans tambour. L'histoire de Nanny Rosette, la petite fille gourmande, qui s'assit sur le rocher du diable et ne put plus se relever. De sorte que sa mère dut engager 50 menuisiers pour lui construire une case avant que minuit ne sonnât. Et puis l'histoire merveilleuse de Yé, qui, ayant trouvé un vieux diable aveugle, en train de faire cuire des escargots dans un bois, lui vola sa nourriture dans sa calebasse. Mais le vieux diable attrapa Yé et se fit de force emporter chez lui et nourrir pendant très longtemps. Mayotte avait entendu toutes ces histoires et bien d'autres encore. Et plus elle en entendait, plus sa curiosité était stimulée. si ces légendes n'étaient pas son plus grand plaisir pendant son séjour à la plantation. Du moins, elles enchantaient et coloraient tous ses autres plaisirs, entourant la réalité d'une atmosphère délicieusement irréelle, communiquant une personnalité fantastique aux choses inanimées, remplissant les ombres de zombies, donnant la parole aux arbustes, aux arbres et aux pierres, car les cannes à sucre elles-mêmes lui parlaient chaoua, chaoua, comme le vieux babo, le vieux libre de savane, qui se murmurait des choses tout bas. Chaque habitant de la plantation, depuis le plus petit négrillon jusqu'au grand Gabriel, ou Gabou, le commandeur de tous les autres, personnifiait pour Mayotte quelque silhouette sortie des contes. Et chacun des recoins des collines, des ravins ou de la plage qu'elle parcourait pendant ses promenades matinales avec Yuma, lui fournissait le décor de quelque épisode fantastique. Mayotte, s'écria Yuma, tu sais bien qu'il ne faut pas raconter des histoires dans la journée, à moins qu'on ne veuille voir des zombies la nuit. Nanda, raconte-moi une tout de même, une toute petite, je n'ai pas peur. Oh, la petite menteuse, tu as peur, tu as très peur des zombies. Et si je te raconte une histoire, tu les verras ce soir. Non, Doudouda, dis-moi une. Tu ne me réveilleras pas cette nuit en me disant que tu vois des zombies. Non, Da, je te le promets. Eh bien alors, pour cette fois, dit Yuma, en prononçant les paroles traditionnelles qui annoncent que le conteur d'histoires créoles est prêt à parler. Bonne foi. Trois fois belle conte, s'écria l'enfant ravi. Alors Yuma commença. Dame, quel aimant! Il y avait une fois, il y a très très longtemps, une vieille femme que tout le monde disait être une sorcière et d'accord avec le diable. Et presque toutes les méchantes choses qu'on racontait sur elle étaient vraies. Un jour, une pauvre petite fille perdit son chemin dans les bois. Elle marcha tant et tant qu'enfin elle ne pouvait plus faire un pas. Alors elle s'assit et se mit à pleurer. Et elle pleura très, très longtemps. Tout autour d'elle, il n'y avait que des arbres et des lianes. Le sol était recouvert de racines vertes, très glissantes. Et les lianes s'y entrecroisaient à tel point qu'il y faisait très sombre. Elle était perdue dans les grands bois où grouillent les serpents. Tout à coup, comme elle était assise là, elle entendit près d'elle des bruits étranges, des bruits de chants et de danses. Elle se leva et marcha dans la direction d'où venaient ces bruits. Elle regarda à travers les branches et elle vit la vieille femme dont tout le monde parlait, chevauchant un balai. Note, balai fait des branches d'un arbuste appelé guillanine. Fin de la note. Et dansant en rond avec d'innombrables serpents et des crapauds ladés, les grands crapauds qui sont si laids. Et ils chantaient tous ensemble cette chanson. Kingé, kingé, von von malato, bloum voum. Jambi, kingé, tougalé, zogalé, vloum. La petite fille immobile était hébétée de peur. Elle n'avait même plus la force de pleurer. Mais la vieille femme avait vu remuer les feuilles, et elle s'approcha tout entourée de flammes qui jouaient autour d'elle, et elle demanda à la petite fille « Que fais-tu dans le rasier ?»« Mère, j'ai perdu mon chemin dans les bois. » »« Alors, mon enfant, il faut me suivre dans ma maison, car si tu en avais l'occasion, tu me trahirais, tu me tuerais peut-être. » Mais la petite fille ne comprenait pas ce que la sorcière lui disait, car la méchante vieille lui parlait de choses que seuls les magiciens connaissent. Lorsqu'elles arrivèrent à la maison de la sorcière, la pauvre petite fille était très fatiguée. Elle s'assit sur une calebasse qui servait de chaise à la sorcière. Puis elle vit celle-ci allumer deux feux sur le sol de terre battue, avec de la gomme à torche qui a l'odeur de l'encens. Sur un des deux, elle posa un grand pot tout rempli de mamanchou, de camagnoc de yam, de christophine, de mélongène diable, et de beaucoup d'herbes dont la petite fille ignorait les noms. Et, sur l'autre feu, elle fit bouillir quelques crapauds et un lézard de terre, un zanolité. À midi, la vieille femme avala tout cela, comme si ce n'était rien du tout. Puis elle regarda la petite fille qui était presque morte de faim et lui dit « Tu n'auras rien à manger jusqu'à ce que tu me dises quel est ton nom. » Puis elle s'en fut en laissant la petite fille seule. Alors la petite fille se mit à pleurer, mais tout à coup elle se sentit frôlée par quelque chose. C'était un grand serpent, le plus grand qu'elle eût vu de sa vie. Elle eut tellement peur qu'elle crut mourir, et elle s'écria « Oti papa moi, oti maman moi, laticoleke, mangez-moi !» Mais le serpent ne lui fit pas de mal. Il frotta seulement de sa tête très doucement l'épaule de la petite fille et chanta « Beneme, benepe, tambou belai, itche pakutume, tambou belai !» Alors la petite fille cria encore plus fort « Oti papa moi, oti maman moi, laticoleke, mangez-moi !» Mais le serpent, frottant toujours sa tête doucement contre elle, répondit en chantant très bas « Benepe, beneme, tambou belai, yehe pakutume, bambou belai !» Alors, quand il la vit un peu rassurée, il leva sa tête tout près de l'oreille de la petite fille et lui murmura quelque chose. Dès qu'elle entendit ce que le serpent lui avait murmuré, elle sortit en courant de la maison et s'élança dans les bois. Et là, elle se mit à demander à tous les animaux le nom de la vieille sorcière. Elle interrogea tous les animaux qui vont à quatre pattes, tous les lézards, et tous les oiseaux. Mais ils ne savaient pas. Elle arriva à une grande rivière et elle questionna tous les poissons. Et les poissons lui répondirent tous, l'un après l'autre, qu'ils ne savaient pas. Mais le syrik, le petit crabe de rivière qui est jaune comme le plantain, le syrik savait. Le syrik était le seul être dans tout l'univers qui sut le nom de la sorcière. Dame, quel aimant! Alors la petite fille regagna la maison de la vieille en courant aussi vite que possible. Son petit estomac vide lui faisait si mal qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas supporter la douleur encore longtemps. La vieille était déjà de retour, grattant du manioc pour en faire de la farine et de la cassave. La petite fille marcha droit vers elle et dit « Donne-moi à manger, dame, quel aimant !» Deux étincelles enflammées jaillirent des yeux de la sorcière et elle eut un sursaut si violent qu'elle se fracassa presque la tête contre les pierres sur lesquelles elle balançait ses peaux. « Enfant, tu m'as vaincue !» hurla-t-elle. « Prends tout, prends tout. Mange, mange, mange. Tout ce qui est dans la maison t'appartient. » Puis elle bondit par la porte, rapide comme une explosion de poudre. Elle sembla voler à travers les bois et les champs. Et elle courut tout droit à la rivière, car c'était sous le lit de la rivière que le diable avait enfoui très profondément le nom qu'il lui avait donné. Et elle s'arrêta sur les bords de la rivière et se mit à chanter « Loche, ô Loche, est-ce toi qui as dit que je m'appelais Dame Quel Aimant ?» Alors la loche, qui est noire comme les pierres noires de la rivière, leva la tête et cria. « Non, maman, non, maman, ce n'est pas moi qui ai dit que tu t'appelais Dame Quel-Aimant. » « Titiri, oh Titiri, dites-moi, est-ce un de vous qui a dit que je m'appelais Dame Quel-Aimant ?» Alors les Titiri, les minuscules et transparents Titiri, répondirent tous ensemble, agrippés aux cailloux, « Non, maman, non, maman, aucun de nous ne nous a jamais dit que tu t'appelais Dame Quel-Aimant. » « Cribiche, oh Cribiche, est-ce toi qui as dit que je m'appelais Dame Quel-Aimant ?» Alors la Cribiche, la grande écrevisse, leva la tête et les pinces et répondit « Non, maman, non, maman, ce n'est pas moi qui ai dit que tu t'appelais Dame Quel-Aimant. » « Tétard, tétard, oh tétard, est-ce toi qui as dit que je m'appelais Dame Quel-Aimant ?» Et le tétard, qui est gris comme les rochers gris de fer auxquels il s'accroche, répondit « Non, maman, non, maman, ce n'est pas moi qui ai dit que tu t'appelais Dame Quel-Aimant. » « Dormeur, ô dormeur, est-ce toi qui as dit que je m'appelais Dame Quel-Aimant ? » Et le dormeur paresseux qui sommeille à l'ombre des rochers, s'éveilla, se leva et répondit « Non, maman, non, maman. » « Ce n'est pas moi qui ai dit que tu t'appelais Dame Quel-Aimant. » « Matavalé, oh Matavalé, est-ce toi qui as dit que je m'appelais Dame Quel-Aimant ? » Et le Matavalé brillant qui scintille comme du cuivre, lorsque le soleil se pose sur ses écailles, ouvrit la bouche et dit « Non, maman, ce n'est pas moi qui ai dit que tu t'appelais Dame Quel-Aimant. » « Milel, Bouc, Pisquet, Zangui, habitants, est-ce l'un de vous qui a dit que je m'appelais Dame Quel-Aimant ? » Et ils crièrent tous, « Non, non, non, maman, nous n'avons jamais dit que tu t'appelais Dame Quel-Aimant. » « Sirik, oh Sirik, est-ce toi qui as dit que je m'appelais Dame Quel-Aimant ? » Alors le Sirik leva les yeux et ses pinces jaunes et cria, « Oui, oui, vilaine vieille !» Oui, vieille sorcière, oui, vieille malédiction, oui, c'est moi qui ai dit que tu t'appelais Dame Quel-Aimant. Dès qu'elle entendit ces paroles, elle se mit à trépigner si fort sur le sol que le diable l'entendit et ouvrit un grand trou à ses pieds. Et elle s'y précipita la tête la première, et la terre se referma sur elle. Et, deux jours plus tard, à cet endroit même, avait poussé une touffe de l'arbuste qu'on nomme l'arête nègre, de l'arbuste qui est tout en épines. Or, pendant que tout ceci se passait, le serpent s'était transformé en homme, car c'était la méchante vieille sorcière qui l'avait changé en reptile. Et il prit la petite fille par la main et la ramena à sa mère. Mais le lendemain, ils revinrent fouiller la case de Dame Quel-Aimant. Ils y trouvèrent 7 tonneaux remplis d'ossements humains et aussi beaucoup d'or et d'argent, plus qu'il n'en fallait pour que la petite fille devint très riche. Et lorsqu'elle se maria, elle eut la plus belle noce qu'on eût jamais vue dans ce pays. Les visites que Mayotte faisait chaque matin avec Yuma à la rivière lui avait permis d'imaginer tous les décors de la dernière partie de cette sotte petite histoire. Et elle fut si fort enchantée qu'elle obligea sa bonne à les lui répéter plusieurs fois. Elle avait vu les écrevisses sortir leurs têtes des flaques d'eau. Elle avait attrapé dans ses petites mains les titiris. Elle connaissait de vue la loche, le tétard, le matavalé, le habitant, le dormeur et le siric. Elle connaissait aussi, grâce à de douloureuses expériences, l'arête nègre. Elle se disait que Dame Quel-Aimant devait ressembler à la vieille Tanga quand celle-ci était en colère. Et la petite fille qui perdit son chemin dans les bois était sans doute l'image de certaines petites négresses que Tanga grondait souvent et qui se mettait à pleurer d'une façon tout à fait extraordinaire. « Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe !» Mais au milieu de son extase, elle ressentit une légère crainte en se rappelant l'avertissement de Yuma. « Da ?» demanda-t-elle presque timidement. « Dis, je ne verrai pas de zombies ce soir. » « Ah, il ne faut plus me demander de te raconter des histoires le jour !» répondit Yuma avec réserve. « Mais dis-moi, je ne les verrai pas ce soir, dis !»« Si tu les vois, répliqua Yuma, appelle-moi, je les chasserai !»